Numéro 11. Bon. Oishi. Mauvais. Mazui. Beau. Kirei. Laid. Minikui. Jeune. Wakai. Vieux. Toshitotta. Nouveau. Atarashii. Ancien. Furui. Rapide. Hayai. Lent. Osoi. Chaud. Atsui. Froid. Samui. Propre. Seiketsu. Sale. Kitanai.